ils se trompent à bloc. Je ne me déplace plus qu'en laser. Tout autour de moi se liquidise. Qui c'est l'adolescent? Oui, c'est l'adolescent qui a du mal à parler. Qui c'est l'adolescent? Oui, c'est l'adolescent qui a du mal à parler. Qui c'est l'adolescent? Oui, c'est l'adolescent qui a du mal à parler. Qui c'est l'adolescent? Oui, c'est l'adolescent qui a du mal à parler. Pourtant, je ne parle que de moi. Quartier chaud sur la côte. Un fusil sur l'épaule. Cette poussière m'aveugle. Et je revois le monstre. Il s'approche. Il frappe. Dans la bite, je vais lui faire mal. Comme toi, Ricky, je vais me venger. Nous allons faire équipe et nous allons nous venger. Nous sommes en route avec Ricky. Tout se passe bien. Il est super touchant, ce Ricky. Ricky, c'est l'adolescent. Oui, c'est l'adolescent qui a du mal à parler. Ricky, c'est l'adolescent. Oui, c'est l'adolescent qui a du mal à parler. C'est l'adolescent, oui c'est l'adolescent qui a du mal à parler. Ricky, c'est l'adolescent, oui c'est l'adolescent qui a du mal à parler. Finalement, on a breaké avec Ricky. À la première panique, il s'est enfui vers le Brésilien Gavroche. Je vivrai des siècles loin de lui, loin de lui.